الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى الصيام، فقد رغب فيه الشرع وحث عليه وجعله أحد أركان الإسلام العظام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. إن الصيام كفارة لكثير من المخالفات والذنوب. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والفتنة المراد بها في هذا الحديث هي الذنوب، ذنوب المسلم المتعلقة بأهله وماله وولده وجاره. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, vous a été ordonné, comme cela a été prescrit, ordonné au peuple d'avant vous, afin que vous soyez pieux. Et Allah, élevé soit-il, nous dit, dans le sens du verset, et que vous jeûniez est bien meilleur pour vous, seulement si vous le saviez. Parmi les œuvres les plus méritantes, les plus valeureuses, et qui ont une grande place auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a cet acte d'adoration qui est le jeûne. La législation, l'islam, nous encourage à jeûner. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, en a fait un des grands piliers de l'islam. D'après l'honorable compagnon, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas un jour dont un serviteur jeûne dans le sentier d'Allah. Il jeûne, il fait cette œuvre pour Allah Azza wa Jal, sans qu'Allah ne l'éloigne du fait qu'il ait jeûné ce jour pour lui, subhanahu wa ta'ala, il éloigne son visage, le visage de ce serviteur, du feu de l'enfer, d'une distance de 70 ans. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après l'honorable compagnon, Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a au paradis une porte qui se nomme, qu'on appelle Al-Rayyan. C'est la porte réservée pour les jeûneurs. Ceux qui ont jeûné dans ce bas monde, c'est la porte par laquelle ils vont entrer. Personne en dehors d'eux ne pourra franchir cette porte. Lorsque tous les jeûneurs seront entrés par cette porte sera fermée et plus personne ne pourra entrer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne est un des moyens pour expier beaucoup de contradictions avec la législation, de péchés, de fautes. Parmi les textes, il y a ce hadith d'après l'honorable compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. C'est un hadith qui a une histoire. Le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu demande au compagnon qui a mémorisé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les troubles, les fitnas. Hudhayfa a dit, moi, au prince des croyants, je m'en rappelle comme il l'a formulé, alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, toi, tu en es capable. Puis Hudhayfa a cité ce hadith. Il dit que il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les troubles de la personne, de l'homme, qu'on retrouve dans sa famille, dans son argent, dans ses richesses, dans ses enfants, dans son voisinage. Ici, le terme trouble concerne les péchés, les manquements, les négligences, les fautes commises par cet homme qui sont dues soit par ses enfants, par sa femme, par sa richesse vis-à-vis du voisin, ou alors qu'il a été amené à fauter par amour pour eux, tellement qu'ils lui sont chers, il est capable de commettre des choses. Toutes ces fautes qu'on commet quotidiennement, à tout moment, à cause de ces choses qui nous sont chères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vient à expier ces fautes causées et qui sont commises. Quand lorsqu'on est avec nos enfants, avec l'épouse, vis-à-vis du voisin, avec nos richesses, toutes ces fautes et ces péchés, et bien sûr, ici, n'entrent pas dedans les grands péchés. Comme cela est bien connu, ce sont tous les petits péchés sont expiés par les bonnes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite certains exemples. Il nous dit, viens à expier ses péchés, ses fautes, la prière, le jeûne, l'aumône, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et la variante que vous venez d'entendre c'est celle de l'imam al-Bukhari. Allahumma ardana ila dinika dal jamila. Allahumma afinana dhunubana. Wa kafir anna sayyatina. Wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد